La réunion de ces circonstances, par un temps où l'on s'inquiète beaucoup trop des nègres, des petits condamnés de la police correctionnelle, pour s'occuper des honnêtes gens qui souffrent, fait que beaucoup de ménages honnêtes restent dans le concubinage, faute de 30 francs, dernier prix auquel le notariat, l'enregistrement, la mairie et l'église puissent unir deux Parisiens. L'institution de Madame de la Chanterie, fondée pour remettre de pauvres ménages dans la voie religieuse et légale, est à la poursuite de ces couples, qu'elle trouve d'autant mieux qu'elle les secourt comme indigents avant de vérifier leur état civil. Lorsque Madame la baronne Hulot fut tout à fait rétablie, elle reprit ses occupations. Ce fut alors que la respectable Madame de la Chanterie vint prier Adeline de joindre la législation des mariages naturels aux bonnes œuvres dont elle était l'intermédiaire. Une des premières tentatives de la baronne en ce genre eut lieu dans le quartier sinistre nommé autrefois la Petite Pologne, et que circonscrivent la rue du Rocher, la rue de la Pépinière et la rue de Miroménil. Il existe là comme une succursale du faubourg Saint-Marceau.